Voilà. Tous les bagages sont dehors, mademoiselle, dans l'entrée de service. Bien. À quelle heure la voiture? Je pense vers 11h. Le bateau part à minuit. Et le pasteur? S'il n'est pas rentré à cette heure-là? Je pars quand même. Si je ne le voyais pas, vous lui direz que j'écrirai une longue lettre. Dites-le lui. Oui. Oui, c'est peut-être une bonne chose d'écrire. Mais ma pauvre mademoiselle, vous devriez pourtant essayer de lui parler, encore une fois. Peut-être. Peut-être pas, après tout. Non. Dire que je devais voir ça, je ne l'aurais jamais cru. Qu'est-ce que vous aviez cru, Madame Elsette? Oh! J'avais cru que le pasteur Rosmer était un homme plus sérieux que ça. Plus sérieux? Ma foi, oui, c'est ce que je dis. Ma chère madame, qu'entendez-vous par là? J'entends ce qui est vrai et juste, mademoiselle. Il ne devait pas se dégager de cette façon, non. Écoutez, Madame Elsette, dites-moi franchement, pourquoi croyez-vous que je m'en vais? Mon Dieu, je suppose que c'est nécessaire, mademoiselle. Ah oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui. Mais je ne trouve pas vraiment que ce soit bien de la part du pasteur. Morten Svord, lui, il avait des excuses, parce que son mari à elle était encore vivant. Et ces deux-là ne pouvaient pas se marier, même s'il l'avait voulu. Mais voyez le pasteur, lui. Oh! Auriez-vous pu croire pareille chose du pasteur Rosmer et de moi? Jamais de la vie! Enfin, je veux dire, pas avant aujourd'hui. Mais aujourd'hui? Eh bien, après toutes ces horreurs, paraît-il, qu'il y a dans les journaux sur le compte du pasteur. Ah. Parce qu'à mon avis, un homme capable de passer à la religion de Morten Skorb, on peut bien, ma foi, penser de lui ce qu'on voudra. Oh oui, sans doute. Mais moi alors? Que dites-vous de moi? Dieu me garde, mademoiselle. De vous, je ne trouve pas qu'il y ait grand-chose à dire. C'est pas si facile pour une femme seule de résister, je crois. Après tout, c'est humain, mademoiselle West. C'est bien vrai, madame Elsette. C'est humain. Chut, chut. Je crois que c'est lui qui vient. Ainsi, malgré tout, bien, advienne que pourra. Qu'est-ce que ça signifie? Je pars. Tout de suite? Oui. À 11h, donc. Très bien, mademoiselle. Où t'en vas-tu, Rebecca? Vers le nord, avec le bateau. Vers le nord? Pourquoi le nord? C'est de là que je suis venue. Mais là-haut, tu n'as plus rien à y faire. Ici non plus? Vas-tu devenir? Je ne sais pas. Je veux en finir, c'est tout. En finir? Rosmer Saul m'a brisée. Tu dis? M'a brisée. Détruite. Quand je suis arrivée, j'étais pleine de courage et de volonté. Maintenant, je suis soumise à une loi étrangère. Je ne crois pas que j'oserais me risquer à quoi que ce soit désormais. Pourquoi? Quelle est cette loi dont tu parles? Cher ami, ne parlons pas de cela, maintenant. Que s'est-il passé entre le proviseur et toi? Nous avons fait la paix. Ah bon? On est donc là. Il a réuni chez lui tous nos anciens amis. Ils m'ont fait clairement comprendre que travailler à ennoblir les esprits, ce n'était pas fait pour moi. Et de plus, c'est en soi une cause désespérée, vois-tu. J'abandonne. Oui, oui. Peut-être cela vaut-il mieux. Tu dis cela maintenant? Est-ce maintenant ton opinion? J'en suis arrivée à cette opinion ces derniers jours. Tu mens, Rebecca. Je mens? Oui, tu mens. Tu n'as jamais cru en moi. Jamais tu ne m'as cru capable de faire triompher une telle cause. J'ai cru que nous deux, ensemble, nous pourrions y parvenir. Ce n'est pas vrai. Tu as cru que tu pourrais, toi, faire quelque chose de grand dans la vie. Que tu pourrais te servir de moi à volonté, que je pourrais être utile à tes projets. Voilà ce que tu as cru. Écoute-moi, Rosmer. Oh, assez. J'y vois clair, maintenant. J'ai été comme un gant entre tes mains. Écoute-moi, Rosmer, parlons-nous. Ce sera la dernière fois. J'avais pensé t'écrire à propos de tout cela à mon retour dans le Nord, mais sans doute vaut-il mieux que tu l'entendes tout de suite. As-tu encore un aveu à faire? Il me reste le plus important. Quoi donc ? Ce que tu n'as jamais soupçonné. Ce qui jette lumière et ombre sur tout le reste. Je n'entends rien à tout ça. Il est très vrai qu'autrefois, j'ai tendu mes filets pour me faire admettre à Rosmersholm. Parce que je comptais bien faire mon bonheur ici, d'une manière ou d'une autre, tu comprends ? Et tu es parvenue à ce que tu voulais ! Je crois que je serais parvenue à n'importe quoi à l'époque. Parce que j'avais encore ma volonté sans borne, ma bravoure. Je n'avais d'égard pour personne. Rien ne m'aurait fait dévier de mon chemin. Mais alors, j'ai senti venir ce qui allait briser ma volonté et me rendre si pitoyablement lâche pour toute ma vie. Tu as senti venir quoi ? Parle de manière que je puisse te comprendre. C'est alors que m'a submergé ce sauvage, cet indomptable désir. Oh, Rosmer. Un désir ? Toi ? De quoi ? De toi. Que dis-tu ? Ne bouge pas, je n'ai pas fini. Tu veux dire que tu m'as aimé de cette façon-là ? J'ai cru que c'était cela, aimer. Que l'amour, c'était ça, mais ce n'était pas ça ce que c'était, je te l'ai dit. Un désir sauvage, indomptable. Oh, Rebecca, est-ce vraiment toi ? Toi ? Toi qui es là à me raconter tout ça ? Oui. Qu'est-ce que cela t'inspire, Rosmer ? C'est à partir de là, sous l'emprise de cela donc, que tu as agi, comme tu le dis. Ça m'a submergé comme une tempête sur la mer. Une de ces tempêtes comme on peut en connaître en hiver. Dans le nord, ça vous prend et ça vous emporte, vois-tu ? Plus loin que tout, impensable d'y résister. Et elle a précipité la malheureuse Béate dans le torrent du moulin. Oui. Car à l'époque, c'était comme un combat entre Béate et moi sur la quille renversée de l'épave. Tu étais sûrement la plus forte à Rosmersholm. Plus forte que Béate et moi réunis. Je te connaissais suffisamment pour savoir que tu resterais inaccessible tant que tu ne serais pas libre de tout lien et libre d'esprit. Mais je ne te comprends pas, Rebecca. Tu, toi-même, ta conduite, tout est pour moi une énigme. Je suis libre maintenant, libre d'esprit et de tout lien. Tu touches au but que tu t'étais fixé dès le départ, et malgré tout... Jamais je n'ai été aussi loin de l'atteindre. Et malgré tout, dis-je, quand hier je t'ai demandé, supplié, sois ma femme, tu as crié... Un cri d'effroi que cela ne se ferait jamais. C'était un cri de désespoir. Pourquoi ? Parce que Rosmersholm m'a volé ma force. Ici, j'ai vu ma vaillante volonté s'épuiser, être mutilée. Le temps est passé où j'osais prendre tous les risques. J'ai perdu la faculté d'agir, Rosmer. Dis-moi comment c'est arrivé ? C'est arrivé en vivant avec toi. Mais comment ? Comment ? Quand je me suis trouvée seule avec toi et que tu es devenue toi-même. Oui. Oui. Parce que tu n'étais jamais totalement toi-même du vivant de Béate. Hélas, tu as sans doute raison. Mais lorsque j'ai pu vivre ici avec toi, dans le silence, dans la solitude, quand tu m'as fait partager toutes tes pensées sans réserve, chacun de tes sentiments si délicats, si fins. Alors s'est produite la grande transformation. Peu à peu, tu comprends, presque imperceptible, mais tellement irrésistible pour finir, jusqu'au tréfonds de mon être. Oh, Rebecca, qu'est-ce que tu me dis là ? Tout le reste. Ce désir atroce, l'ivresse des sens, tout cela s'en est allé loin, bien loin de moi. Toutes ces forces harcelantes se sont apaisées dans le silence. Une paix profonde s'est emparée de moi. Un silence comme sur un nid d'aigle au soleil de minuit là-haut, chez nous, dans le nord. Parle-moi encore de ces choses. Dis-moi tout. Il n'y a pas grand-chose d'autre, vois-tu. Seulement ceci. Que l'amour est né en moi. Le grand. L'amour fait de renoncements qui se contentent d'une vie commune, telle que nous l'avons vécue. Si j'avais eu seulement le pressentiment de tout cela. C'est mieux ainsi. Hier, quand tu m'as demandé si je voulais être ta femme, j'ai crié de joie. Oui, n'est-ce pas, Rebecca, j'avais cru comprendre. Un instant, oui, dans l'oubli de moi-même. Mon intrépide volonté d'antan était sur le point de renaître, mais sa vigueur est retombée. N'a pas duré. Comment expliques-tu ce qui s'est passé en toi? C'est l'esprit des Rosmer. Ou ton esprit, en tout cas. Qui a contaminé ma volonté. Contaminé? Et l'a rendu malade. Qui l'a asservi à des lois qui jusqu'alors n'existaient pas pour moi. Toi et la vie avec toi ont ennobli mon esprit. Oh, si j'osais seulement le croire. Tu peux le croire sans crainte. L'esprit des Rosmer ennoblit, mais... Mais, eh bien... Mais il tue le bonheur. Tu crois cela, Rebecca? Pour moi, du moins. En es-tu bien sûr? Et si je te demandais une seconde fois? Si je t'implorais? Non, très cher, ne reviens jamais plus là-dessus. C'est chose impossible. Oui, parce qu'il faut que tu le saches. Rosmer, j'ai un passé derrière moi. Quelque chose de plus que je ne connais pas. Quelque chose d'autre et quelque chose de plus. N'est-ce pas étrange, Rebecca? Un soupçon m'a effleuré parfois. Oui, et néanmoins, malgré cela... Je n'y ai jamais cru. Je n'ai fait que jouer avec l'idée, en pensée, tu comprends? Si tu l'exiges, je suis prête à tout te dire. Non. Non. Je ne veux rien savoir. Quoi que ce soit, je le vois à l'orgueil. Mais pas moi. Oh, Rebecca! Oui, vois-tu, c'est cela qui est épouvantable. Maintenant que tout le bonheur de la vie m'est offert, je ne peux plus le saisir. Mon passé me l'interdit. Ton passé est mort, Rebecca. Il n'a plus de prise sur toi. Plus aucun rapport avec toi, tel que tu es maintenant. Mon cher ami, ce sont là des mots. Et l'innocence, alors. D'où la tiendrais-je? Oui. L'innocence. L'innocence, oui. En elle réside le bonheur et la joie. C'était bien la doctrine que tu voulais voir incarnée par ces joyeux aristocrates de l'avenir. Oh, ne m'en fais pas souvenir. Ce n'était que l'esquisse d'un rêve. Une soudaine inspiration à laquelle je ne crois plus. Les êtres ne se laissent pas ennoblir de force, vois-tu? Pas même par un amour paisible, crois-tu? Oui. C'est cela qui serait grandiose. Le plus magnifique, presque. De l'existence, il me semble. Si cela se pouvait. Mais comment répondre à ta question? Aller au fond? Tu ne me crois pas, Rosmer. Oh, Rebecca. Comment pourrais-je te croire entièrement, toi qui as pu vivre ici dans cette innommable dissimulation? Et voilà que tu avances cette idée nouvelle. Y a-t-il quelque intention dessous? Dis-le-moi. Peut-être désires-tu par là obtenir quelque chose. J'aimerais tant faire pour toi tout mon possible. Ce doute mortel. Rosmer. Rosmer. Oui, c'est épouvantable, n'est-ce pas? Jamais je ne saurais avec certitude si tu m'aimes d'un amour total et pur. Mais n'y a-t-il rien au fond de toi qui l'atteste? Une transformation s'est produite en moi. Et cette transformation, c'est toi qui l'as produite. Toi seul. Oh, toi. Je ne crois plus en mon pouvoir de transformer les gens. Je ne crois plus en moi-même. En rien. Je ne crois plus en moi. Ni en toi. Alors, comment vas-tu pouvoir vivre ta vie? Je n'en sais rien. Cela m'échappe. Je ne crois pas pouvoir la vivre. Je ne vois rien au monde qui vaille la peine de vivre. Oh, la vie, elle porte en elle le renouvellement. Accrochons-nous à elle solidement. Elle nous échappera bien assez tôt. Alors, rends-moi la foi. La foi en toi. La foi en ton amour, Rebecca. Une preuve. Je veux une preuve d'amour. Une preuve? Mais comment puis-je te donner une preuve? Il le faut. Je ne supporte pas ce désert, ce vide épouvantable, ce... Oh. Tu l'as entendu? C'est vous, Monsieur Brendel. Johannes, mon garçon, je te fais mes adieux. Où allez-vous si tard? Je descends la pente. Comment? Je rentre chez moi, mon disciple bien-aimé. J'ai la nostalgie du grand néant. Il vous est arrivé quelque chose, Monsieur Brendel? Que s'est-il passé? Tu as remarqué la transformation. Oui, pas étonnant. La dernière fois que je suis entré dans cette salle, j'étais devant toi comme un homme prospère, la main au portefeuille. Ah, je ne vous comprends pas bien. Mais tel que tu me vois cette nuit, je suis un roi détrôné sur le tas de cendres de mon palais incendié. Puis-je vous aider en quelque chose? Tu as conservé ton âme d'enfant, Johannes. Peux-tu m'accorder un prêt? Oui, oui, bien volontiers. Peux-tu me céder un idéal ou deux? Que voulez-vous dire? Une paire d'idéaux hors d'usage. Tu feras une bonne action. Parce que maintenant, je suis à sec, mon cher garçon. Complètement fauché. Vous n'avez pas réussi à faire votre conférence? Non. Belle dame sans merci. Pensez donc. Au moment précis où je m'apprête à vider la corne d'abondance, fait la pénible découverte que je suis en faillite. Et toutes vos œuvres non écrites? Pendant 25 ans, je suis resté comme l'avare, assis sur sa cassette. Et voilà qu'hier, je l'ouvre pour en tirer mon trésor. Il n'y a rien. Le temps avait tout rongé, tout réduit en poussière, il n'y avait rien. Nichts. Rien de tout ça, Fusca. Et en êtes-vous bien sûr? Il n'y a pas place pour le doute, mon préféré. Le président m'en a convaincu. Le président? Ben oui, son excellence, Ganz nach Belieben. Mais de qui voulez-vous parler? Peder Mortensgaard, naturellement. Comment? Chut. Alors, Peder Mortensgaard est maître et seigneur de l'avenir. Jamais j'ai été mis en présence d'un plus grand homme. Peder Mortensgaard a en soi les attributs de la toute-puissance. Il peut tout ce qu'il veut. Oh, vous n'y croyez pas? Si, mon garçon. Car Peder Mortensgaard ne veut jamais plus que ce qu'il peut. Peder Mortensgaard est capable de vivre sans idéaux. Et cela, vois-tu, cela, c'est le grand secret de l'action et de la victoire. C'est le summum de la sagesse du monde. Et basta. Maintenant, je comprends que vous partez d'ici plus pauvre qu'en venant. Bene. Alors que ton vieux maître te serve d'exemple, efface tout ce qu'il t'a inculqué. Ne bâtis pas ta citadelle sur des sables mouvants. Et prends garde surtout, tâte le terrain avant de fonder quoi que ce soit sur cette charmante créature qui embellit ta vie. C'est de moi que vous parlez? Oui, ma ravissante sirène. Pourquoi ne pourrait-on rien fonder sur moi? Je me suis laissé dire que mon ancien disciple avait une cause vitale à faire triompher. Et alors? Il est assuré du triomphe. Mais attention à une condition absolue! Laquelle? Que la femme qu'il aime aille joyeusement dans la cuisine et se tranche le petit doigt. Ce petit doigt rose et délicat, ici, juste ici, à la seconde phalange. Ou bien que la dite femme aimante, tout aussi joyeusement, se coupe cette oreille gauche d'une forme incomparable. Adieu, mon Johannes, triomphant. Et vous partez maintenant dans la nuit noire ? La nuit noire, c'est le mieux. Que la paix soit avec vous. Oh, qu'il fait lourd. Et comme on est tous ici. Il n'y a rien d'autre à faire, Rebecca. Je le vois bien, il faut que tu partes. Oui, je n'ai pas le choix. Profitons des derniers instants. Viens t'asseoir près de moi. Que me veux-tu, Rosmer ? D'abord, je veux te dire que tu n'as pas à te préoccuper de ton avenir. Mon avenir ? J'ai paré à toutes les éventualités. Depuis longtemps. Quoi qu'il arrive, ton sort est assuré. Cela aussi, cher ami. Tu aurais pu t'en douter. Cela fait des années que je ne songe plus à ces choses-là. Oui. Oui, tu croyais sans doute que la situation resterait inchangée entre nous. Oui, je le croyais. Moi aussi. Mais si je devais disparaître... Oh, Rosmer, tu vivras plus longtemps que moi. Cette misérable vie, il est encore en mon pouvoir d'en disposer. Que veux-tu dire ? Tu ne penses pas... Tu trouverais ça si étrange ? Après la pitoyable, la lamentable défaite que j'ai subie. Moi qui voulais faire triompher ma cause, et j'ai fui, avant que la bataille ait commencé. Reprends la lutte, Rosmer. Essaie, tu verras, tu triompheras. Tu en oublieras des centaines, des milliers d'esprits. Essaie. Oh, Rebecca, moi qui ne crois plus en ma propre cause. Mais elle a déjà fait ses preuves, ta cause. Tu as en tout cas ennobli un être humain. C'est moi. Tant que je vivrai. Oui. Si j'osais te croire seulement. Oh, Rosmer. Ne vois-tu rien ? Rien qui pourrait t'amener à le croire ? N'aborde pas ce sujet, Rebecca. Ne va pas plus avant, pas un mot de plus. Si. Il faut que nous en parlions. Ne vois-tu rien ? Rien qui pourrait étouffer le doute ? Parce que moi... Je ne vois rien. C'est heureux pour toi. Heureux pour nous deux. Non, je ne peux pas me résigner. Si tu vois quelque chose qui puisse m'acquitter à tes yeux, j'ai le droit d'exiger que tu le dises. Eh bien, voyons. Tu dis que le grand amour est en toi. Que par moi, ton esprit a été ennobli. C'est bien cela. As-tu bien fait tes comptes ? Faut-il que nous les vérifions ? Hein ? J'y suis prête. Quand ? N'importe quand. Le plus tôt sera le mieux. Alors montre-moi. Si tu... par amour pour moi, ce soir même... Oh non, non, non. Si, Rosmer, si, si. Dis-le et tu verras. As-tu le courage de... Es-tu prête à... joyeusement... comme disait Ulrich Brendel, par amour pour moi cette nuit, joyeusement, à prendre le même chemin que Béate. Rosmer. Oui, vois-tu ? C'est cette question qui ne cessera de me hanter une fois que tu seras parti. À toute heure du jour, j'y reviendrai. Oh, il me semble te voir. Vivante apparition devant moi. Tu te tiens sur la passerelle, à mi-chemin. Tu te penches sur la rambarde. Tu es prise de vertige, attirée par le gouffre. Tu recules. Non, tu n'oses pas ce qu'elle a osé. Et si j'avais ce courage et cette volonté, joyeusement ? Alors il faudrait que je te croie. Il faudrait que j'aie de nouveau foi en ma cause. Foi en ma capacité d'ennoblir les esprits. Foi en la capacité de tels esprits à être ennoblis. Tu vas retrouver la foi. As-tu le courage et la volonté de le faire, Erika? Tu en jugeras demain ou plus tard, quand on me repêchera. Oh, l'horrible fascination! Parce que je n'aimerais pas rester longtemps au fond de l'eau. Pas plus que nécessaire. Il faut faire en sorte qu'on me trouve. Mais tout cela, c'est de la folie! Pars ou reste! Je te croirai sur parole, une fois encore. Des mots, Rosmer. Plus de lâcheté et plus d'échappatoire. Comment peux-tu me croire sur parole après ce jour? Mais je ne veux pas voir ta défaite, Rebecca. Ce ne sera pas une défaite. Si! Jamais tu n'auras l'esprit fait pour suivre le chemin de Béat. Tu ne le crois pas? Jamais! Tu n'es pas comme Béat. Tu n'es pas sous l'empire d'une vision faussée de la vie. Mais ma vision de la vie est celle des Rosmer, maintenant. Ce dont je suis coupable, il va de soi que je l'expie. C'est là que tu en es. Oui. Bien. Et moi, je me soumets à notre vision libérée de la vie. Il n'y a pas de juge au-dessus de nous. C'est à nous de nous faire justice nous-mêmes. Cela aussi, ma disparition sauvera ce qu'il y a de meilleur en toi. En moi, il n'y a plus rien à sauver. Il y a. Mais moi, dois-je continuer à couver et à ressasser un bonheur que mon passé a déjoué? Je dois sortir du jeu, Rosmer. Où tu iras? J'irai. Oui. Viens. Et sois témoin. J'irai avec toi. Je te dis. Jusqu'à la passerelle, oui. Tu ne t'aventures jamais à la franchir. Tu l'as remarqué? Oui. C'est cela qui a rendu mon amour sans espoir. Rebecca, je pose maintenant ma main sur ta tête et te prends pour épouse légitime. Merci, Rosmer. Et maintenant, je m'en vais, joyeusement. Mari et femme doivent s'accompagner. Seulement jusqu'à la passerelle, Rosmer. Et au-delà aussi. Aussi loin que tu iras, j'irai avec toi. Parce que maintenant, je l'ose. As-tu la certitude sans faille? Que ce chemin est le meilleur pour toi? Je sais qu'il est le seul. Et si tu te trompais, si ce n'était qu'un leurre, un de ces chevaux blancs de Rosmer Solm. C'est bien possible. Nous ne leur échappons pas, nous autres, gens du domaine. Alors, reste, Rosmer. Le mari doit suivre son épouse, comme l'épouse doit suivre son mari. Dis-moi d'abord, est-ce toi qui me suis, ou est-ce moi qui te suis? Au fond, nous ne le saurons jamais. J'aimerais pourtant le savoir. Nous suivons l'un l'autre. Je te suis, et tu me suis. Je suis au bord de le croire. Parce que maintenant, nous deux ne faisons qu'un. Oui. Maintenant, nous ne faisons qu'un. Viens, partons, joyeusement. Mademoiselle, la voiture est... pas là. Dehors, ensemble, à cette heure-ci. Ben ça alors. D'où Jésus, cette tache blanche là-bas. Mais, ma parole, ils sont tous les deux sur la passerelle. Et puis qu'il y ait des pauvres pêcheurs, voilà qu'ils s'enlacent. Oh. Par-dessus la rambarde, tous les deux. Dans le torrent. Au secours. Au secours. Non. Aucun secours ici. La défunte dame les a pris.